C'est un bip bip vraiment chelou. Ça ressemble pas à ça, vous? Là, mais pourquoi j'ai pas le son des mecs qui sont en train de jouer? Bah, si, local channel, quand tu vois les trucs qui bougent chez eux, c'est qu'ils sont en train de jouer. Ah, c'est les sons de chez moi, ça? Ah, ouais, ok, ouais, c'est mon micro. Et donc là. Ah mais non, il y a un mec qui est en train de jouer, il adore tout, je sais pas quoi, mais je n'entends pas. J'entends que le truc. Si, remote channel, il y a deux mecs en train de jouer. Et j'ai pas de son, j'ai que le métronome. Ça bouge dans tous les sens. Ouais. Thank you.